La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous vivons de plus en plus dans un monde fait de signes visuels. Partout où se posent nos yeux, des formes, des couleurs, des images nous interpellent, tandis que nous mettons également notre propre vie en image. Andy Warhol aurait 92 ans s'il était encore en vie, et on peut légitimement se demander ce que pourrait être son art aujourd'hui dans ce contexte de la mise en scène généralisée de soi, lui qui donne l'impression d'avoir anticipé tout ce qui se joue aujourd'hui dans la démocratisation de l'art et le floutage des frontières avec le design et la publicité. Jeudi, Didier Ottinger viendra interroger justement cette démocratisation de l'art par Warhol, tandis que Hervé Vanel nous parlera, entre autres choses et en seconde partie, de l'unique roman de l'artiste, qui est d'ailleurs plutôt une performance. Mercredi, nous serons avec Cécile Guilbert autour de son essai Warhol Spirit, tandis que demain, nous ferons un tour dans l'œuvre de Warhol avec l'historien de l'art Alain Cueff, qui reviendra notamment sur le rapport du pape du pop art avec l'art religieux. Et aujourd'hui ? Oh, hi. I wasn't sure you'd be in. You know what? What? I got a Polaroid of Bob Dylan tonight. Where? He went to see New Earth's first show and I happened to be at the first one. Coup de fil entre Guy Berlin et Andy Warhol. Aujourd'hui, comme chaque lundi, c'est la biographie. Nous sommes en compagnie de la philosophe, dramaturge, metteuse en scène, traductrice Myriam Korishi. Elle a publié récemment un essai intitulé « Mentir, la vie et son double ». C'est aux éditions Autrement. Mais nous l'invitons évidemment pour sa biographie d'Andy Warhol, publiée dans la collection Folio, dédiée à ce genre, au sein des éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres. Je ne me suis mariée qu'en 1964 lorsque j'eus mon premier magnétophone, ma femme. Il y a maintenant 10 ans que nous sommes mariés, mon magnétophone et moi. Quand je dis nous, je parle de mon magnétophone et de moi. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. L'acquisition de mon magnétophone a vraiment mis fin à tout ce que j'avais pu avoir comme vie émotionnelle, et j'en fus bien content. Rien ne fut plus jamais un problème, car un problème signifiait simplement une bonne bande, et quand un problème se transforme en bonne bande, ce n'est plus un problème. Un problème intéressant était une bande intéressante. Tout le monde le savait et faisait de son mieux pour la bande. On n'aurait pas pu dire quel problème était réel, ni quel problème était exagéré pour la bande. Mieux encore, les gens qui vous racontaient leurs problèmes ne pouvaient déterminer s'ils avaient vraiment ces problèmes, ou s'ils exécutaient une représentation. Extrait du livre de Andy Warhol, Ma philosophie de A à B, dans lequel l'artiste explique comment le magnétophone a mis fin à sa vie émotionnelle. Bonjour Myriam Korishi. Bonjour. Alors faire la biographie de Warhol, c'est peut-être justement raconter la vie d'un homme qui a toujours voulu éradiquer ses émotions. Vous diriez ça? Oui, et puis là, on l'entend bien dans l'extrait que vous venez de passer, la manière insistante avec laquelle il veut égaliser tout dans la manière dans l'enregistrement. Et cette manière de pas pouvoir revenir sur ce qu'on a dit ou avec sa pensée ou ses émotions. Donc une égalisation totale qui permet une mise à distance totale de ses émotions. Ça veut dire quoi, égaliser exactement? Ben là, ici c'est-à-dire, il le dit dans l'extrait, c'est les personnes qui l'enregistraient ne pouvaient pas dire, ils racontent quelque chose, ils se lancent donc dans leur récit et ils sont emportés par le flot de leur récit et ils racontent des problèmes, comme il le dit. Mais ce que dit Warhol de très intéressant, c'est que au fond, si on les interrogeait au moment où ils le racontent, ils ne sauraient pas dire si ce sont de véritables problèmes. Donc c'est une manière donc de mettre à distance sa vie émotionnelle ou sa conscience grâce à la bande ou aux médias. Et ça a intéressé au premier chef Warhol. Donc il met à distance ses émotions, ses sentiments. Il n'en reste pas moins quelqu'un de très sensible, voire même d'hypersensible. Mais est-ce que vous diriez qu'il est d'abord acérébral, Andy Warhol ? Oui, alors, sans nul doute, il a toujours... Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans sa première carrière, dans sa première vie professionnelle, quand il a été publicitaire et très, il a eu un grand succès avec ça. Il a vraiment travaillé et avec sa sensibilité, qu'on pourrait dire une sensibilité à la Cocteau, le trait tremblé, etc. Et quand il est devenu artiste, il n'avait de cesse que d'être reconnu en tant qu'artiste. Et pour lui, ça, être artiste, ça voulait dire être exposé dans des lieux qui créent des artistes, des galeries, eh bien, il s'est battu contre sa sensibilité ou contre l'expression de cette sensibilité parce qu'il est passé donc des illustrations publicitaires très sensibles, donc c'était un peu sa phase garçon sensible, à sa phase dandy aussi. Dandy, ça il l'a jamais vraiment, il a jamais vraiment rompu avec le dandysme, qui est une sorte de mise à distance aussi hein, de sa propre, parce qu'on pose, donc on se met à distance dans une pose. Mais c'est ça le paradoxe et l'intérêt, c'est cette manière qu'il a eu de se battre contre sa propre sensibilité. Pour devenir l'artiste qu'on reconnaît ou qui a été reconnu aujourd'hui, enfin qu'on connaît aujourd'hui. Donc il a voulu rester à la surface des choses. Je crois que c'est Valérie qui disait que ce qu'il y avait de plus profond en l'homme, c'était la peau. C'est un petit peu cette même démarche qu'a adoptée Andy Warhol. Oui, c'est cette démarche-là. Et donc je reviens à... Donc au tournant des années 50, quand il a déjà une carrière et il est reconnu dans le monde publicitaire, là, toute son énergie la met à devenir artiste et à être reconnu dans le milieu de l'art contemporain de l'époque, à New York. Et bien sûr, il avait une production à côté de sa carrière publicitaire, mais ça marchait pas du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essayait d'intéresser les galeristes en vue, il n'était pas intéressé. Donc il s'est mis à travailler. Il s'est mis à travailler sur cette sensibilité en question pour l'anesthésier et pour que cette sensibilité disparaissent ou s'évaporent à la surface des œuvres qu'il était en train de créer. Et le choix son choix thématique et iconographique s'est porté justement sur les objets que lui, publicitaire, contribue à vendre, c'est-à-dire les biens de consommation, les marchandises. À New York, je passe l'essentiel de ma matinée à parler au téléphone avec un B ou l'autre. C'est l'inventaire. J'aime m'entendre raconter tout ce qu'un B a fait depuis la veille au matin. Je le questionne sur tous les endroits où je ne suis pas allé et sur tous les gens que je n'ai pas vus. Même si un B m'a accompagné à une soirée ou à un club la veille au soir, je lui demande ce qui s'est passé car je peux avoir raté quelque chose à l'autre bout de la pièce. Si je ne l'ai pas raté, je l'ai oublié. Je n'ai pas de mémoire. Chaque jour est un jour nouveau parce que je ne me rappelle pas le jour précédent. Chaque minute est comme la première minute de ma vie. J'essaie de me rappeler, mais je ne peux pas. C'est pour ça que je me suis marié, avec mon magnétophone. C'est pour ça que je recherche la compagnie des gens qui ont des cerveaux comme des magnétophones. Mon cerveau est comme un magnétophone qui n'aurait qu'un seul bouton pour effacer. Michael Cohen lisant un extrait de Ma philosophie de A à B et vice versa. Il ne se souvient de rien, Warhol, il n'a pas de mémoire, Myriam Korichi, il n'a même pas de passé. Alors il s'emploie en tout cas à brouiller les pistes de manière très volontaire et puis là c'est dit, il n'y a pas de mémoire et on notera quand même l'ambivalence de cet aveu. Il aime s'entourer de gens qui ont une mémoire phénoménale. Qui ont donc une histoire et des origines. Et lui, il dit qu'il n'en a pas et qu'il est comme appareillé que d'un seul bouton effacé. Et alors, est-ce que c'est l'aveu d'un traumatisme ou pas? Donc ça reste quand même assez ambigu, mais pour dépasser cette question biographique ou subjective, ce qui est clair, c'est qu'il transforme ce biais chez lui en méthode artistique. Et il devient un enregistreur fou. Mmh. Donc toute personne autour de lui devient un relais des possibles appareils enregistreurs, comme s'il avait envie d'étendre un filet étroit partout, horizontalement, qui pourrait enregistrer tout et partout. Et oui, c'est vrai qu'il y a une forte corrélation entre la vie et l'œuvre chez Andy Warhol. On va le voir tout au long de cette semaine. Parlons un peu de la vie alors, Myriam Korichi, et de ses origines, parce que même s'il ne s'en souvient pas, ou s'il fait semblant de ne pas s'en souvenir, il a des origines. Les parents d'Andy Warhol sont des immigrés. On peut raconter d'ailleurs comment ils se sont tous les deux rencontrés. Je crois que sa mère, Julia, n'avait d'abord pas très envie de se marier avec son père, Andrej, et puis finalement, à force de sucreries, c'est ça, elle s'est laissée convaincre. Racontez-nous un peu tout ça. Oui, alors elle raconte ça, en effet, elle raconte, donc on est dans les années 1910, hein, donc à la veille du conflit balkanique, on n'est même pas en Tchécoslovaquie, encore moins en Slovaquie, on est dans les ruines, enfin de ce qui va devenir les ruines de l'Empire austro-hongrois. Dans un petit village qui s'appelle Mikova. Mikova, dans les Carpates. Et Julia n'est même pas courtisée. Enfin, elle est demandée en mariage par un voisin, enfin, qui est parti aux États-Unis et est revenu des États-Unis avec un petit peu de pécule pour se marier au pays. Et il négocie une fille du pays. Et Julia résiste en effet, mais va succomber non pas. Donc elle raconte qu'elle est même maltraitée par son père, qui la force à ce mariage, mais elle va accepter en effet la proposition de mariage de Andrzej, qui est Andrzej ou Andek, donc c'est le prénom dont va hériter le cadet de la famille, Andy Warhol. Elle va accepter, elle raconte ça, mais postérieurement, donc on imagine toute l'influence de Warhol aussi sur ça. Elle raconte donc qu'elle accepte de se marier avec Andrzej parce qu'il lui offre des candies, bonbons. Et Andy Warhol va toujours beaucoup aimer les bonbons aussi. En effet, mais derrière donc cette anecdote qui semble un petit peu extravagante, et il y a ce profil aussi, toute une histoire de privation, d'écart aussi entre l'ancien monde et le nouveau monde. Je l'ai dit, le père de Warhol fera un premier séjour de 4 ans aux États-Unis. Il ira travailler dur. C'est un travailleur acharné, sérieux, religieux. Comme le sera son fils, sérieux, religieux, travailleur acharné. Exactement, religieux. De manière un peu, très discrète et cachée, mais effectivement, il y a un héritage en droit fil du père. Et donc, de retour au pays, il se marie avec une fille du pays. Et quand la crise des Balkans arrive, lui, il décide de partir en éclaireur aux États-Unis de nouveau. On est donc vraiment en 1912. En laissant derrière lui, donc Julia, et qui est enceinte et qui va mettre au monde une fille qu'elle va perdre. Et ça va être très traumatique pour elle. Et cette Julia va faire montre d'une très grande détermination, parce qu'elle... Elle et ses sœurs cadettes se retrouvent prises dans l'engrenage de la poudrière européenne et elle ne reçoit rien, ni nouvelles, ni argent d'un mari parti dans les aciéries de Pittsburgh ou de la région de Pennsylvanie. Et donc elle décide de braver la solitude et les kilomètres et de rejoindre son mari en Pennsylvanie. Donc en 1928, c'est la naissance. Le 6 août, je crois, bien qu'on n'ait pas d'acte de naissance, donc la date est un petit peu sujette à caution, de Andy Warhol, 28, un an avant la grande crise. Les Warholas quittent un continent en crise et arrivent dans un continent qui l'est, mais pour d'autres raisons. Oui, alors avant d'être en crise, c'est ce qui frappe sans doute, et on le voit à travers les photographies et les documents, ce qui frappe, c'est l'extrême dynamisme et la suractivité du nouveau, enfin des États-Unis et du Nouveau Monde, et en particulier de Pittsburgh en particulier, qui est la grande ville produit sidérurgique, qui produit entre un tiers et la moitié de l'acier américain, ce qui est considérable. Donc c'est une ville de contraste absolu, c'est une ville à la modernité spectaculaire, c'est une ville des pauvres et miséreux qui sont venus chercher du travail à Pittsburgh, enfin, et c'est la ville des riches, des Heinz, des Carnegie. Et donc Warhol naît dans ce contexte-là, un an effectivement avant la Grande Dépression. Donc ils vont manquer beaucoup d'argent à ce moment-là. Or l'argent, c'est évidemment très important pour Andy Warhol. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son rapport au dollar ? Alors c'est sûr que ses premières années de privation, c'est-à-dire donc porté à aller dans un pays pour gagner, pour le confort et faire vivre sa famille, il se retrouve très vite sans emploi, mais le père et la mère ne renoncent pas, donc ils sont prêts à tous les travaux pour faire vivre leur pays, mais ils n'échappent évidemment pas à l'expérience de la misère, donc c'est une enfance de privation que Warhol... Et il en gardera, subi, selon vous, le souvenir au point d'avoir un rapport à l'argent spécial. Je pense que c'est évident que ça marque ses des premières années très très marquantes. Et il est aussi marqué dans sa chair parce qu'il développe une maladie rare qui le met tout de suite très à part des autres enfants et des autres garçons en particulier. Une maladie qu'on appelle la danse de Saint-Guy, qui est une maladie nerveuse et qui lui permettra, malgré les rigueurs du temps, d'être choyé, parce que il va rester toute sa petite enfance dans les jupes de sa mère. Son lit va même trôner au milieu du salon familial. Donc ce sera le centre de l'attention, bien que subissant cette maladie rare et étant vulnérable. Mais il échappera à l'école, au mauvais traitement des garçons, peut-être pas au mauvais traitement de ses frères, cependant. Quand je pense à mes études secondaires, tout ce que je me rappelle, c'est le long trajet pour me rendre à l'école à travers tout le ghetto tchèque de McKeesport, Pennsylvania, avec les babouchkas et les tabliers qui séchaient sur les fils. Je n'étais pas terriblement aimée, mais j'avais quelques bons amis. Je n'étais vraiment intime avec personne, et pourtant je pense que j'en avais bien envie. Quand je voyais les gosses se raconter leurs problèmes les uns aux autres, je me sentais abandonnée. Personne ne se confiait à moi. Je n'étais pas le genre de type à qui ils avaient envie de se confier, j'imagine. Donc cette maladie, la danse de Saint-Guy, fait de lui un garçon à part, un garçon un peu étrange, parce que ça lui fait faire des mouvements comme ça, de manière un petit peu intempestif. Il est également maniéré, ce qui irrite beaucoup donc ses grands frères. Donc un enfant vraiment un petit peu à côté des autres, mais extrêmement précoce, extrêmement intelligent, Myriam Korichi. Oui, extrêmement précoce, parce que un enfant qui est à part des cours d'école est maintenu à la maison à dessiner toute la journée, à écouter la radio, ça développe le sens de l'observation et derrière une vitre, la fenêtre, et l'imagination, sans nul doute. Mais ce qui est très intéressant dans l'extrait que vous venez de passer, c'est comment il parle des problèmes des autres, alors que on parle là de ses problèmes à lui. C'était un petit garçon à problème. Mais c'est ce qui, dès que le mot problème intervient dans ses textes, c'est toujours le problème des autres. Il est fasciné parce qu'en fait, il n'arrive pas à se relier ou à relier, à comprendre la vie des autres, enfermé qu'il est dans ses propres problèmes. Donc on voit tout de suite que sa fascination le porte, enfin ce qui le fascine, c'est les autres. Et c'est peut-être pour ça qu'il trouve que le cinéma, au fond, a l'air plus vrai que la réalité elle-même et qu'il va très jeune souvent au cinéma. Oui, il va très jeune au cinéma et il développe sa première passion, sa première fascination pour Shirley Temple, qui est petite enfant star. Petite enfant star qui a exactement le même âge que lui. Donc on imagine les rapports de projection, comment il projette. Et donc il voue un véritable culte à Shirley Temple. Et aux stars de manière générale, puisqu'il a sa boîte à chaussures avec ses autographes qu'il collectionne. Donc il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose et qui plonge droit dans la petite enfance. Alors c'est quand même une jeunesse tragique parce qu'il y a la mort du père qui intervient en 1942. Donc Andy Warhol, Warhola hein, encore à l'époque, est très jeune. De quoi meurt-il son père ? Il a donc c'est l'époque où il a bu une mauvaise eau sur un chantier et il est mort de des complications d'une infection j'allais dire très rapidement, pas du tout. Il est mort chez lui, alité. Il a été alité pendant 6 mois, ce qui est considérable en réalité. Et ce qui est très étonnant, c'est que extrêmement rares sont les paragraphes, voire les phrases consacrées à son père. Il ne parle jamais de son père. Il ne dira que mon père était souvent en voyage d'affaires. Il était mineur, hein, ouais. Travailleur, était souvent en voyage d'affaires et n'était jamais là. Il n'y a que la mère qui compte alors pour Andy Warhol. En tout cas, donc on ne sait pas très bien, enfin on ne va pas extrapoler, mais en tout cas elle a une présence très importante, déterminante, peut-être envahissante, jusqu'en 1962, jusque à l'orée des années 70, parce qu'elle quitte la là on anticipe un peu, mais parce qu'on est encore à Pittsburgh, mais elle quitte la Pennsylvanie natale de Warhol pour suivre son fils, ou rejoindre plutôt son fils à New York et carrément s'installer avec lui. Alors elle lui transmet quand même la passion des arts, elle-même un tempérament artiste, elle dessine. Oui, elle dessine, elle fabrique des petites sculptures. C'est pour ça que les origines sont très intéressantes parce qu'il faut s'imaginer la modernité des années 40-50 et le fait que Julia Warhola est restée vraiment une femme de l'ancienne Europe, une rutaine avec elle a toujours très mal parlé l'anglais, donc ces rapports étranges et épais qui construisent aussi qui peuvent expliquer la manière dont lui il fait table rase pour démarrer et incarner quelque chose de foncièrement américain. Et cependant, dans la cave, j'exagère à peine parce qu'elle habitait dans son sous-sol, il y a la mère rutaine qui parle à son fils en rutaine, qui n'est même pas tchèque. Hein. Donc, c'est même pas du tchèque. Et dans son art, est-ce que ça se retrouve? Parce que autant l'Amérique est tout le temps là, autant lui se disait totalement américain, autant, on ne retrouve pas du tout cette influence souterraine dont vous parlez. Alors, il y a quand même des saillies de l'iceberg. Il y a quand même des choses. Il signe, il co-signe avec sa mère. Il l'a fait travailler. Il l'a fait dessiner. Dans ses manies d'enregistreur fou, il enregistre sa mère. Quand des gens viennent le voir dans sa maison uptown sur Lexington Avenue. Eh bien, elle peut débarquer dans la pièce. Donc, ça le gêne d'ailleurs beaucoup. Ça le gêne et en même temps, il avait des moyens pour y remédier. D'ailleurs, il y a remédié quand elle est véritablement devenue hors contrôle, quand elle a commencé à être atteinte de sénilité, on ne sait pas exactement quoi. Là, elle a quitté New York sur les. C'est lui qui lui a fait quitter New York. Alors revenons à la période de formation. Il y a donc ce rapport à l'art qui est très présent très jeune. Le père, quand même très prévoyant, un homme vraiment de devoir, qui a donc travaillé toute sa vie pour sa famille, a laissé suffisamment d'argent pour Andy Warhol, parce qu'à l'époque, on se dit que c'est quelqu'un qui va faire des études supérieures. Oui, il est clair qu'il montre des dispositions et des capacités intellectuelles hors du commun. Tout le monde le remarque autour de lui, et le père en premier lieu, et qui permet à Warhol, par sa prévoyance, en effet, de non seulement faire le lycée, ce qui est déjà quelque chose pour un fils d'immigré à cette époque-là, mais des études supérieures. Et sans que, en plus, la disposition artistique soit un frein, parce qu'on peut imaginer qu'il aurait... l'encourager à faire d'autres études, mais le père, bien qu'absent et vraiment comme un fantôme spectral, n'a jamais empêché le développement, ce développement-là. Bien au contraire, c'est grâce au père que Andy Warhol a pu faire des études d'art appliqué. Voilà, d'art appliqué, il y a une différence qu'il faut noter, parce qu'il aurait pu faire les beaux-arts, il a choisi de faire des arts appliqués au Carnegie Institute of Technology. Il ne savait pas très bien d'ailleurs comment s'intégrer dans cet endroit. Je crois qu'il ne comprenait pas tellement la philosophie et puis aussi les aspects politiques des étudiants qui devaient être assez politisés à gauche à l'époque. Comment ça s'est passé? Pas très bien. Au début, ça se passe effectivement pas très bien, et il y a une incompréhension de son côté, et sa première année au Carnegie Tech est compromise, et il risque même, en fait, d'être renvoyé. Ce qui aurait été complètement catastrophique, on imagine bien. Parce que c'est l'époque où les vétérans de la guerre reviennent, et donc il faut faire place pour ces soldats américains qui sont allés se battre pour le pays. Et donc Warhol a risqué vraiment d'être donc il était en probation. Et il y a eu un été où il a travaillé d'arrache-pied, et là il a compris. Il a compris ce qu'on attendait de lui. Et c'est très intéressant, parce que cette incompréhension, alors qu'on a l'impression qu'il maîtrise toujours tout, quand il n'est pas à l'origine de l'activité ou maître des lieux qu'il investit, il ne comprend pas. Je me fais la réflexion là, que c'est comme son rapport au cinéma. Quelques années, deux décennies plus tard, quand il veut vraiment devenir un cinéaste et réalisateur reconnu, et c'est pas du tout lui qui édicte les règles, ça marche pas. Et c'est un peu à Carnegie Tech, c'était des études, et donc il s'est vraiment vite adapté, et puis il est devenu l'un des meilleurs de sa promo, et il a compris. Quand il a compris, ça a marché. Mais il y a un côté un peu Bauhaus dans le Carnegie Tech, dans l'alliance de la technologie, de la technique avec l'art, et ça va être pour Andy Warhol tout à fait ce qu'il lui faut, parce que avec plus tard la reproduction, la sérigraphie, il est vraiment là-dedans. Alors il est vraiment là-dedans. C'est vrai que le thème de la machine, de la technologie, de l'industrie, ça a toujours été des choses très importantes et qui ont déterminé l'originalité de son parcours. Mais c'est vrai qu'il y a un écart entre ces thèmes-là. Ou ces méthodes-là, parce que dans l'esprit Bauhaus, c'est vraiment des thèmes où c'est l'iconographie qui s'inspire directement de ces choses-là. Ce rapport à la technologie, à la machine, au machinisme, au mécanisme chez Warhol, ça va être, c'est la méthode qui va, c'est sa méthode d'artiste qui va vraiment exploiter ce, il va devenir une usine, donc c'est pas, il va pas représenter des usines ou l'industrie ou des ou, donc il va pas faire des images technologiques, mais il va utiliser une méthode technologique pour créer des images. Quand j'eus 18 ans, un ami me fourra dans un sac publicitaire en plastique et m'emmena à New York. Je voulais encore être très proche des gens. Je partageais sans cesse des appartements avec des gens en imaginant que nous pourrions devenir bons amis et partager nos problèmes. Mais je finissais toujours par découvrir que tout ce qui les intéressait en moi, c'était que je paye une partie du loyer. À une époque, je vécus avec 17 personnes dans un appartement en sous-sol à l'angle de la 103e rue et de Manhattan Avenue. Et pas une seule de ces 17 personnes ne partageait un vrai problème avec moi. C'étaient tous des créatifs, on formait plus ou moins une communauté artistique. Alors je suis certain qu'ils devaient avoir des tas de problèmes, mais je n'en ai jamais entendu parler. Je travaillais beaucoup à cette époque, alors je n'aurais sûrement pas eu le temps d'écouter leurs problèmes. S'ils avaient voulu m'en parler, n'empêche, je me sentais offensée et rejetée. J'effectuais de vastes tournées à la recherche de travaux toute la journée et je les exécutais la nuit chez moi. C'était ma vie dans les années 50, des cartes de vœux, des aquarelles, et puis de temps en temps je lisais des poèmes dans un café. Ce qui m'a le plus marqué, à part les longues heures que je consacrais au travail, ce sont les cafards. Tous les appartements où j'ai vécu en étaient submergés. Je n'oublierai jamais l'humiliation que j'ai éprouvée un jour en apportant mon carton à dessin au bureau de Carmel Snow au Harper's Bazaar. Je ne l'ouvris que pour en voir sortir un cafard qui alla se promener sur le pied de la table. Carmel Snow en fut tellement désolée pour moi qu'elle me commanda un travail. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et cette lecture par Valérie Lang, Andy Warhol va donc à New York, avec Philippe Perlstein, c'est ça, hein, c'est lui qui le met dans le sac plastique, comme il le dit dans cet extrait de Ma philosophie de A à Z. Oui, ils étaient camarades au Carnegie Tech, Perlstein est peintre et de quelques années l'aîné de Warhol. Et c'est vraiment, Warhol dit qu'il n'y pensait pas, qu'il n'y aurait jamais songé à aller à New York. Pourtant, c'est son rêve quand même, New York. C'était son rêve, mais c'est comme si, il y a toujours quelque chose sur lequel il joue, toujours une passivité, s'en remettre un petit peu aux autres. Là, on l'entendait encore dans l'extrait, le problème des autres. Donc les autres ont cette ouverture radicale qui caractérise vraiment le travail de Warhol et sa place singulière, d'être ouvert sur les autres, l'a conduit à New York grâce à... parce que Perlstein a vraiment joué le rôle de l'initiateur. Il l'a emmené, et du coup, ils ont rencontré des gens sur place. Parce qu'on peut s'imaginer que ce sont des jeunes... c'était des jeunes artistes qui allaient à New York pour faire carrière, mais ils avaient des contacts parce qu'ils sortaient quand même diplômés du Carnegie Tech, et donc il y avait quelques introductions qui ont permis aux choses de démarrer vraiment. Donc vous dites qu'il y a une passivité chez Warhol, c'est un peu étonnant parce qu'on a l'impression de quelqu'un qui est au contraire tout le temps très actif, mais il est porté aussi par les autres, et simplement il a cette capacité justement à ouvrir toutes les portes pour laisser entrer le monde extérieur. C'est ça, Andy Warhol? Il y a quelque chose de cela, oui, définitivement. Donc il n'est pas leader réellement? Il est leader, mais ce qui est très intéressant, et du point de vue de l'histoire de l'art, on sort d'une période macho. Vraiment, c'est l'abstraction lyrique. Jackson Pollock est l'un des... Voilà, et il raconte, il y a des passages vraiment d'anthologie où il raconte comment les peintres à New York et ailleurs, s'ils étaient peintres, c'est qu'ils se peintaient et ils se mettaient ils se battaient. Donc il y avait un côté très viril et très machiste et macho de l'artiste à cette époque-là quand il va à New York. Et contre quoi Warhol s'inscrit, c'est-à-dire mais par sa nature même. Donc cette manière de ne pas être leader, c'est dans ce sens-là plutôt, dans le sens où il dit aussi de la même manière, j'ai remarqué que quand je commençais à dire aux gens ce qu'ils devaient faire ou à parler un peu plus fort, les gens n'écoutent pas du tout, et donc je me suis dit que le mieux c'était d'être silencieux. Est-ce que Andy Warhol est un écran sur lequel tout le monde projette ses fantasmes, précisément parce qu'il est silencieux ? Alors oui, parce qu'on se met tout d'un coup à être intrigué et à projeter. C'était peut-être une de ses manières à lui aussi de faire parler les autres, puisqu'il se plaint continuellement que les gens ne se confient plus pas à lui. C'est toujours cette distance-là entre lui, sa perception des choses et la vie des gens. Ça demeure un mystère pour lui, la vie subjective des gens qui ont une vie, guillemets, normale. Mais alors, il ne comprend pas très bien comment les autres fonctionnent, mais avant de se rendre compte qu'il vaut mieux qu'il soit silencieux et que ça marche beaucoup mieux, il va essayer de se faire remarquer. Et de se faire remarquer notamment de cet écrivain qu'il adore, Truman Capote, en lui envoyant tout un tas de lettres. Et là, ça ne marche pas du tout. Non, ça ne marche pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que ça fait vraiment partie des années d'initiation. Donc là, on est dans le milieu des années 50. Et c'est là aussi les récits de Truman Capote sur Warhol sont d'anthologie. C'est-à-dire vraiment, il y a du mépris, ça persifle, il se moque de lui, parce qu'il faut imaginer Warhol, qui est tout jeune. Qui envoie des lettres un peu enflammées, garçon sensible, comme vous disiez. Garçon sensible, qui ose sans oser, qui est complètement là. Et il le résume d'une expression, Capote, il dit que j'étais devenue sa Shirley Temple. Oui. Et alors, il va quand même, à la fin, je crois, avoir un certain respect pour Andy Warhol. Faut dire qu'il devient une superstar. Et puis, il va dire, Warhol a aidé l'Amérique à se débarrasser de son puritanisme. Oui, alors, justement, ce qui est très intéressant, c'est que à cette époque, donc cette époque, les années 50, l'époque garçon sensible, cette manière de... Donc, il envoie des dessins. Aux galeries, il envoie des dessins, notamment de garçons qui s'embrassent, des faibles qui s'embrassent dans un dessin très délicat, c'est très beau, hein, un peu magnifié par des couleurs or. Mais c'est évidemment rejeté, c'est-à-dire pour le sujet et aussi par la manière. Ça fait vieux, c'est vieux style. Donc. Essayer de faire bouger les lignes de manière frontale, c'est-à-dire en montrant directement ça de manière sensible, c'est-à-dire comme vécu, à travers le désir, la sensibilité, l'approche sentimentale, romancée, ça marche pas du tout dans les années 50. Donc ce puritanisme, il va falloir le faire bouger d'une autre manière et de manière beaucoup plus musclée. Dans un sens, en créant une communauté. Donc c'est le nombre qui fera la force et qui, enfin, ce que crée Warhol, c'est un collectif lâche et profus de gens qui, à force de s'agréger, vont faire bouger les lignes puritaines, en effet, de l'Amérique. Donc c'est ça le basculement, la fin de la période garçon sensible, c'est la création de la Factory ? Alors, la fin de la période garçon sensible, c'est plutôt la compréhension de ce que ça veut dire pour lui, ou de la détermination pour lui de devenir machine. Donc c'est ça qui est remarquable, c'est que cette détermination donc à la série, à la quantité, de se consacrer à la de faire disparaître tout commentaire sociologique, expressionniste, donc vraiment en rupture très frontale avec ce qui vient de se passer dans l'histoire de l'art. Donc tout commentaire sentimentaux, etc., c'est de s'étaler, comme je disais tout à l'heure, à la surface des objets, et donc de faire rentrer la vie dans l'art de manière objective. Et donc les objets choisis vont être des objets, comme il dit, ordinaires. Je n'ai jamais voulu peindre que des objets ordinaires. Ordinaires, non pas pour les rendre extraordinaires, mais vraiment pour faire passer en force cette idée d'ordinaire, et de et de bon, ce que Arthur Danteau appellera plus tard de banal. Lui, il va jusqu'à dire que le banal est transfiguré. Alors, je dirais que c'est plutôt une extension du domaine de l'art dans la vie. Donc l'art déborde, sort de son son cadre et devient une espèce de concurrent de la vie en utilisant les objets de la vie ordinaire. C'est quelqu'un qui montrait l'image la plus précise, inéluctable de ce qu'est être américain. Lassie, go fetch the men of the house for supper. You know, on a farm like ours, everybody works hard, especially our men. And at the end of the day, they're ready for good, hot, hearty food. And that's why I always start supper with soup. A really satisfying soup, like Campbell's vegetable beef. From the very first sip of that good soup, I see good things. Andy, avec les soupes Campbell, fut le Voltaire de l'Amérique, parce qu'il prenait une perspective satirique. Et il disait, c'est ce que j'observe. C'est là, dehors. Si quand vous voyez mes tableaux, vous pensez que c'est vraiment néfaste et faux, alors changez tout. Mais je ne fais que refléter ce que je vois autour de moi. Andy Warhol était vraiment différent des artistes des 17 et 18e siècles. Si vous regardez le travail de Chardin, par exemple, il en était encore à refléter la classe supérieure. Alors que pour Warhol, toute son œuvre touche à la notion de l'homme de tous les jours. Quand il a fait les soupes Campbell, c'est parce que c'était le produit qu'il mangeait. Si l'on compare un tableau de Chardin et les soupes de Warhol, on peut dire que d'un côté, on a le déjeuner d'un homme du XVIIe siècle, et de l'autre, celui de quelqu'un qui vit à New York. Et certains critiques diraient, bah, c'est juste une boîte de soupe. Warhol dirait, eh ben, vous aimez la soupe. Et si c'est oui, est-ce un bon produit? Et pourquoi pas en faire une peinture? Vous admirez Marilyn Monroe, tel un objet de désir, autant que la Joconde. Pourquoi n'en ferais-je pas un objet d'art? Hear me now, that's not all the Brillo soap pads got. The rust resistor sure helps a lot. Thomas Sokolowski, directeur du musée Andy Warhol de Pittsburgh. Alors comment arrive véritablement le succès? On sait qu'il commence donc en arrivant à New York, en dessinant pour des journaux, pour des publicités, tout en travaillant beaucoup à côté. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'il émerge comme ça. Est-ce que on peut essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe? En fait, il travaille acharné derrière cette émergence soudaine qui a étonné tout le monde. Mais ce qui a étonné tout le monde aussi, c'est qu'il faisait partie d'une cohorte de nouveaux artistes qui étaient dans l'ombre, mais qui au tournant, au début des années 60, émergent. Bien sûr qu'on peut dire que les soupes, la série des soupes Campbell, qui marque le vrai début, c'est la première exposition à Los Angeles, à la Ferus Gallery, peuvent être perçues comme satiriques, mais en même temps, l'extrait que vous venez de passer dit très clairement qu'il ne se hâte pas de juger. C'est vraiment, c'est comme un miroir, une espèce d'endroit impensé qui va mettre sous le projecteur en disant, mais ce qui est remarquable, c'est que c'est pas juste, bien sûr, ce ne sont pas des illustrations de soupe Campbell, ce sont vraiment des œuvres. Et il était à la recherche d'un procédé mécanique de production en série, pas reproduction, mais production en série. Et donc il a vraiment travaillé d'abord à la main, de manière acharnée, pour éliminer, et de manière vraiment acharnée, parce que pour éliminer le commentaire, le geste, et il avait ce geste, d'ailleurs, ce geste artistique qu'on dit un peu à la Cocteau, enfin que moi je dis un peu à la Cocteau, ce geste artiste délicat, sensible, c'est ça qu'il a travaillé à éliminer pour devenir l'artiste qu'on connaît. Et d'ailleurs, Rauschenberg, tous les artistes autour de lui, de cette génération pop ou nouveau réaliste, comme on les a appelés, le dit. Andy Warhol avait un excellent coup de crayon, et c'était le danger. Et en fait, c'est à ça qu'il a travaillé. Il a travaillé à éliminer ce danger-là. Est-ce que d'artiste, il est devenu aussi un philosophe. Vous qui êtes philosophe, vous mettez d'ailleurs beaucoup de citations, beaucoup de références philosophiques dans votre livre Myriam Corrichi, votre biographie de Andy Warhol. Est-ce que c'est ça finalement l'art conceptuel selon Andy Warhol ? Alors, Warhol n'est pas philosophe, mais en tout cas, il fait réfléchir les philosophes, ça c'est certain. Comme, mais lui ne comme, l'est pas en tant qu'intellectuel. Il ne l'est pas au sens, non, parce que il crée. Alors bien sûr, il y a une très forte, comment dire, il a des capacités intellectuelles et conceptuelles assez prodigieuses. Beaucoup de ses textes témoigne d'une analyse, d'une profondeur conceptuelle, mais ça ne va pas être le but, c'est-à-dire que ça va vraiment être, tout ça va être réinjecté dans un travail plastique. Il n'y a pas une manière de voir la vie quand même? Si, si, complètement, bien sûr, il y a une manière de voir la vie, mais qui se... On prend tout ça en compte, ces ouvrages, mais c'est un polygraphe, il produit. C'est vraiment... donc il ne va pas... on ne peut pas le résumer à une philosophie. Voilà, il y a évidemment des éléments très forts. Qui seraient, du coup, un nihilisme? Alors, le nihilisme, je pense que c'est lui, il est le miroir d'un possible nihilisme. Il dit par exemple que les années 70 sont très vides. Là, on saute, mais... Mais il adore le vide. Mais le vide n'est pas le rien. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que le bien sûr qu'il y a... Je ne pense pas que Warhol soit nihiliste dans le sens où il montre à quel point le vide est plein. Plein alors, de quoi ? Bah, il est plein, il est vide. Il est plein de... Là, vous me forcez à faire la philosophie, mais il est... Il révèle les potentialités de présence de la perception. On va rester sur la biographie, car nous avons toute une semaine pour creuser ces exactement. Sujets. Exactement. À une certaine période de ma vie, vers la fin des années 50, j'ai commencé à ressentir que j'endossais les problèmes des gens que je connaissais. Un de mes amis était désespérément engagé dans une liaison avec une femme mariée, un autre m'avait confié qu'il était homosexuel, une femme que j'adorais manifestait de graves signes de schizophrénie. Je n'avais jamais eu le sentiment d'avoir des problèmes, car je n'en avais jamais spécifiquement défini aucun, mais je sentais maintenant que les problèmes de mes amis se répandaient en moi comme des microbes. Je décidai de suivre un traitement psychiatrique comme beaucoup de gens que je connaissais. Il me semblait que je devais définir mes propres problèmes, si vraiment j'en avais, plutôt que de partager ceux de mes amis pour compenser. J'avais eu 3 dépressions nerveuses en mon enfance, espacées d'un an, l'une à l'âge de 8 ans, la seconde à 9 ans et la troisième à 10 ans. Comme j'avais le sentiment d'endosser les problèmes de mes amis, je suis allée voir un psychiatre de Greenwich Village et je lui ai parlé de moi. Je lui ai tout dit, l'histoire de ma vie, le fait que je n'avais pas de problèmes propres et que j'assumais ceux de mes amis, et il m'a dit qu'il me rappellerait pour me fixer un rendez-vous afin que nous puissions poursuivre notre entretien. Et il ne m'a jamais rappelé. En revenant de chez le psychiatre, je me suis arrêtée chez Macy's et, pris d'une inspiration soudaine, j'ai acheté mon premier téléviseur, un RCA noir et blanc en 54 cm. Je l'ai emporté chez moi dans l'appartement où je vivais seule et j'ai aussitôt oublié le psychiatre. Je laissais la télé allumée sans arrêt, surtout quand les gens me parlaient de leurs problèmes, et je m'aperçus que la télévision me divertissait juste assez pour que les problèmes que me racontaient les gens ne m'affectent plus. C'était un truc magique. Valérie Lang, toujours, qui lisait un nouvel extrait de Ma philosophie de A à B. C'est tout de même assez drôle aussi. Myriam Corrichi, je suis sûr que vous en conviendrez. Faut pas oublier l'humour de Warhol, cet humour qui met aussi probablement à distance ce qui lui arrive, parce que parfois il lui arrive des choses pas très simples, comme évidemment, c'est très connu, la tentative d'assassinat perpétrée à son encontre le 3 juin 1968 par Valérie Solanas. C'était une interprète d'Andy Warhol dans un de ses films, et puis il a elle a tiré sur lui à 3 reprises. Il est laissé pour mort, mais finalement s'en sort. Il va y avoir un changement, du coup, dans sa vie, dans son art. Il y a un avant et un après. Ah oui, là, c'est un nouveau tournant, une nouvelle étape qui commence. Et c'est la fin de la factory historique. C'est la fin de la Silver Factory, qui était donc 46e rue à New York. Peinte tout en argent à l'intérieur. Tout en argent à l'intérieur. Et donc, c'est en un sens symbolique, enfin, concrètement et symboliquement, le redépart d'une nouvelle factory, mais beaucoup plus big business affiché. Voilà, où Warhol va couper progressivement, mais très sûrement, avec toute une faune. Donc l'underground, c'est fini, maintenant c'est la jet set. L'underground, en un sens, c'est terminé, en effet, et il ne faut pas du tout sous-estimer l'effet de traumatisme. Voilà, elle faisait pas, Valérie Solanas faisait partie, donc celle qui a tiré sur Warhol à 3 reprises, faisait partie de cet underground-là. D'ailleurs, tous ces thèmes résonnent aujourd'hui d'une manière assez étonnante, parce que Valérie Solanas est féministe. Elle essaye de promouvoir sa propre vision d'une société oui, bien sûr. En même temps, manière... on peut pas parler de patriarcat avec Andy Warhol, quand même, si. Il était, mais on peut pas. C'est ça le paradoxe. Et en même temps, il laissait de plus en plus les clés de son cinéma indépendant, très indépendant, des personnalités de l'underground où quand même les premiers rôles étaient tenus par des hommes, par des transsexuels, c'est des rapports compliqués. Disons que la question du genre là émerge de manière très complexe et confuse, et l'attentat en question et la personnalité de Valérie Solanas à ce moment-là fait partie de cette complication qui ne va cesser de se développer finalement. Donc on va parler dans les jours qui arrivent de ces autres factories. C'est un peu le moment des vanités aussi, le moment des grands portraits de stars. Donc on ne fait plus les portraits des proches, des gens qui tournent autour de la factory, mais des stars. On va beaucoup reprocher ça quand même à Andy Warhol. Et puis, il va y avoir, de manière assez inattendue, la mort de Andy Warhol, alors qu'il n'a que 58 ans. On est allé assez vite, je vous l'accorde. De quoi meurt-il, en fait ? Il meurt au lendemain d'une intervention chirurgicale qui était censée être pas anodine, mais qui ne pose normalement aucun problème. Il s'est fait une ablation de la vésicule biliaire, et il revient dans sa chambre après l'opération. Tout va bien, enfin disons qu'il n'y a aucun signaux alarmants. Et le lendemain matin, le 22 février 1987, il est retrouvé mort. Alors que son infirmière privée lisait la Bible dans la chambre d'à côté. D'à côté, exactement. Et ça demeure quand même, ça jette un voile, ça demeure mystérieux et en tout cas dramatique. Parce que tout d'un coup, brutalement, le nain de jardin, je dirais, de l'art contemporain de l'époque, parce qu'il était partout avec sa perruque très visible et il y avait ridicule. Eu un autre attentat, d'ailleurs, on lui avait arraché sa perruque. Mais donc je parle du nain de jardin parce qu'il est partout, il se fait prendre en photo partout, on le voit dans la série Love Boat, et donc il y a quelque chose d'assez risible. Enfin, il se plie il est spectral comme ça avec son appareil photo et son enregistreur partout, et puis du jour au lendemain plus d'Andy Warhol. Ouais. Et là en plus à une période où les États-Unis ne regardaient plus ce qu'ils produisaient vraiment. C'était plus en Europe qui montrait son travail. Et pourtant, nous, on va continuer de parler de toutes ces périodes de production de Andy Warhol jusqu'à jeudi. Merci beaucoup, Myriam Korigi. On est loin d'avoir épuisé tout ce que raconte votre biographie d'Andy Warhol. Elle est disponible et on la conseille à tous nos éditeurs dans la collection Folio Biographie des éditions Gallimard. compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et c'est à présent le moment d'En compagnie des revues, proposé aujourd'hui par vous, Anne-Sophie Rouvelou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire à la librairie L'Écriture à Vaucresson. Non, je suis à l'Infini Comédie maintenant. Ah, à l'Infini Comédie. C'est tout récent, c'est pour ça. Pardonnez-moi. Et vous êtes rédactrice aussi au magazine Page des libraires. Vous venez nous présenter trois ouvrages de littérature étrangère. On commence avec La prière des oiseaux de Shigozi Obioma. C'est chez Buchet-Chastel. Oui, tout à fait. Donc, c'est une véritable découverte pour moi, tant c'est un roman qui est beau, qui est foisonnant. Donc, on est au Nigeria avec Chinonzo, qui est un éleveur de volailles dans un petit village. Et un jour, Chinonzo, il va voir une femme qui est prête à sauter d'un pont. Il la retient et les deux vont tomber fou amoureux. Sauf que le problème, c'est que cette jeune femme, elle vient d'un milieu qui est riche, chrétien, et Chinonzo, c'est un simple fermier. Donc pour plaire à ses beaux-parents, qui quand même lui mettent une pression quand même gigantesque et vont jusqu'à le menacer, il décide de partir tout seul à Chypre. Sauf que c'est là que les ennuis vont commencer, je ne vous en dis pas plus. Sachez juste que du coup, c'est un roman d'un amour impossible, c'est aussi le récit de quelqu'un qui essaie de dépasser à tout prix sa condition. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi raconté par le chi de Chinonzo, qui est du coup un petit peu son ange gardien. Et donc, du coup, ça met un petit peu de malice dans le récit parce que son hôte, il peut l'influencer, mais il ne peut pas l'empêcher de courir vers les ennuis. Donc, on a comme ça toute la mythologie du peuple Igbo, donc du Nigeria, et on est entre le monde des esprits et le monde des humains. C'est magnifique. Et votre sélection se poursuit par le livre de Stéphane Méril Bloch, Le Noir entre les étoiles. Celui-là est publié par les éditions Albin Michel. Oui, tout à fait, dans la super collection Terre d'Amérique. Donc, c'est l'histoire d'Oliver Loving qui est plongé dans le coma après une tuerie qui a eu lieu quand il avait 17 ans lors d'un bal dans son lycée dans le Texas, dans le petit village de Bliss. Et on est 10 ans après le drame, alors que Oliver est toujours allongé dans son lit d'hôpital, qu'il est plongé dans le coma, et qu'autour de lui, sa famille a éclaté et il vivote un petit peu comme ça. Donc on suit par exemple sa mère qui garde espoir qu'il va se réveiller. Elle est kleptomane, elle vole des romans de science-fiction pour lui, pour plus tard, pour qu'il les lise. Il y a aussi son père qui est peintre et qui noie son chagrin dans l'alcool. Il y a son frère Oliver, qui est parti comme ça à New York et qui essaie d'écrire sur cette histoire sans y parvenir. Et on les suit jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait des signes d'activité cérébrale du côté d'Oliver et que ça introduise comme ça une sorte de suspense dans le récit pour nous lecteurs et pour les héros et la famille du coup de ce roman, parce qu'on se demande si Oliver est toujours parmi nous. C'est un roman qui est extrêmement dense et extrêmement fluide à la fois, parce qu'on fait tout le temps des bonds entre le passé, le présent, ce qui aurait pu être aussi. Et je tiens à rajouter aussi que c'est un roman avec un contexte bien défini qui est très intéressant parce qu'on remonte un petit peu aux origines de la violence en essayant de comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec l'auteur entre guillemets de ce massacre. Et ça se passe aussi au Texas où les tensions sont fortes entre les communautés blanches et hispaniques. Voilà, donc pour Le Noir entre les étoiles. Et on termine avec Les Optimistes de Rebecca Mackay aux Escales. Oui, tout à fait. Alors un roman qui est vraiment très divertissant. On apprend beaucoup de choses sur une époque aussi. En fait, ça se passe dans deux villes et deux époques différentes. On est à la fois à Chicago et à Paris, et à la fois dans les années 80 et pendant l'année 2015. Le point de départ du roman, c'est le décès de Nico, qui est emporté par le sida dans les années 80. Il est vraiment la pierre angulaire du roman. C'est-à-dire que Nico, c'était un très bon ami de Yale, qui est notre premier personnage principal, qui est un galériste de 31 ans, qui vit à Chicago et qui va voir sa vie bouleversée par l'arrivée du virus. Nico, donc le jeune homme décédé, c'est aussi le frère de Fiona, qui est le deuxième personnage principal. C'est une jeune femme dans les années 80, mais on la suit également plus tard à Paris en 2015, lorsqu'elle recherche sa fille Claire qui a disparu. Donc c'est un roman qui est riche en émotions, avec des personnages dépeints avec beaucoup d'empathie, mais ça parle aussi des années sida à Chicago et comment la communauté gay a été stigmatisée. Voilà, on peut lire ce texte Les Optimistes traduit par Caroline Brouet. On trouvera également votre interview de l'auteur dans la revue Page des libraires. Merci beaucoup Anne-Sophie. Compagnie des Heures, c'est Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Alexandre Dang. Demain, le parcours de l'œuvre, nous le ferons avec Alain Cueff, mais tout de suite, c'est les sciences que vous retrouvez sur France Culture.